Demander de décrire un trajet. Going down the list of questions. Je cherche la bibliothèque. La bibliothèque, s'il vous plaît. La bibliothèque, c'est où? Où est la bibliothèque? Pour aller à la bibliothèque, comment on fait? Pour aller à Toronto, par où on passe? Pour aller à Toronto, c'est quelle route? Pour aller à Toronto, c'est quoi le chemin?